Ok, bon, ça va pas très vite. Ah bah, c'est bon. Guitare trop forte. C'est plus mou là. C'est un peu mou là.